Tuyagurukundo ni ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'urukundo mu gishikirizwa na radio Isanganiro. Tuyagurukundo. Tabara mukije nogira ndabikaze cyuti bagenzi n'abakunzi biganiro vya radio Isanganiro kaze mu kiganiro tuyagurukundo iganiro mwamwe mukurikirana ku minsi nkinga ya mango kiganiro tuyagurukundo kaba kigizwe n'ibice bitatu muce cya mbere tubagira kuvyereka urukundo muce cya kabiri tubishira ku bibazo mwa twandikiye naye muce cya nyuma twahariye agahugu k'urukundo twasigurira ururimbo ruvuga ivyereke urukundo Tuyagurukundo. Uno musi mu gice cya mbere tuzakurabiramo ibimenyetso bitandatu bikwereka wewe muhungu nimba umukobwa mukunda nabi zorangira abaye umugore wawe. Turishura ku bibazo mwatwandikiye nayo mu gahogo k'urukundo tukaza kubasigurira ururirimbo perfect turirimbigwa na Ed Sheeran Belene Vyarimana nkaba nongeye kubaha ikaze. Beka yute. Ha? Wumpi si sanganiro. Yego cyane kandi sanganiro ni ya bose. Igihe bibaye ngombwa ko umuntu agomba gushinga ugwiwe akwiye guhitamo neza ubazokubakana ni ikintu ngira kamaro kwitegura hakiri kare ugatunganya imigambi naho rimwe na rimwe ibintu bitagenda nk'uko umuntu aba yabiteguye ariko hari ibimenyetso bishobora kukwereka wowe musore ingene wogerageza ugahitamo umukobwa uzokubera umugore w'ukuri mushobora kuzorambana ngibi ibimenyetso bitandatu bishobora kukwereka umukobwa uhitamo maze mukazobana akaramata. Ikimenyetso cya mbere umukobwa akubona ukamunezera iyo umunezera vya nyavyo ndetse akakuvuga ko ari kumwe n'abagenzi be canke abakorana n'abandi uwo abashobora kuba umugore waba wifuza kubakana nawe iyo yiyumvira ko uri umugabo w'igitangaza ku buryo abandi bagore bakwifuza ibyo bituma nawe uje ufata ingingo yo kubakana nawe yicisha bugufi imbere y'abagenzi bawe. Abagenzi b'umugabo ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwiwe bwa buri munsi kandi buri mugabo ashaka umugore yumvikana n'abagenzi biwe kuko nacyo nyine ni ikintu gikomeye mu buzima. Iyo wanezerezwa n'ingene ubanye n'abagenzi bawe ndetse agakunda kukwisanzura ko akabigira n'igihe muri kumwe n'abagenzi bawe ibyo navyo bishobora gutuma ufata icyemezo. Kubihisha na urabibona Ikiganiro ni tuyagura ukundo turabira hamwe ibimenyetso bitandatu bishobora kukwereka umukobwa uhitamwe maze mukazobana akaramata abaho mu buzima bwiwe n'ikindi kimenyetso aha kuno mukobwa yiyumvisha ko buri kintu cyose atagikenera ngo agutega amaboko kukimuha kandi yumva ko mweme mushora kubana neza ari uko yifitiye ibintu vyiwe atacu agukenera ko nawe kandi ukawufisi vyawe ikindi yumva ko ahubwo aho kugira ngo nutwo warufise atukunyage agufashe ahubwo gushika ku ndoto zawe ndetse nawe ashike kuvyo yiyemeje ivyo navyo bishobora gutuma ufata icyemezo cyo kubakana nawe kandi mukazorambana ikimenyetso kigira kane iyo umukobwa mutari kumwe umvuguza amahoro no kuvuga uramukumbura iyo mutari kumwe iyo umukobwa mutari kumwe umvuguza amahoro ahubwo ukamwiyumvira ukagumubona mu ndoto tiri uramwiyumvira cyane ukumva gusa uramukumbuye iyo wiyumvira muri buno buryo biba byoroshye gufata icyemezo cyo kubakana nawe C'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, les mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable, mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays et je lui dois ce que je suis. Oh, c'était c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, dans où je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents, ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. C'était l'horizon, les hommes, des mille. pinard de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Au nord, c'était les cons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Nkwibutse yuko ari radio isanganiro tukaba turi mu kiganiro tuyagurukundo yuko turabiramo ibimenyetso bitandatu bisho kukwereka umukobwa uhitamo maze mukubakana mukazobana akaramata buri muntu yitangira ubundi ni kimenyetso kigira gatanu iyo umugore adashobora kukwitangira nawe ntabwo mwitangira sinzi nimba umugore ate gutya uwo murondera kugira ngo agire icyo akugeza ko kugira ngo ubugeni bubeho nuko ategerezwa kubaho kwitanga gutyo iyo umukobwa kwitangira nawe ushobora kumwitangira noneho icyo gishobora gutuma ufata icyemezo cyo kumugira umugore wawe witeka ikimenyetso cya gatandatu bari umufana wawe wa mbere aho uri hose aba yifuza kuhaba akumva iyo kugwaniraho bibaye ngombwa ndetse niyumvira yuko iyo gusiga wenyine mu bihe bigoye mbere akakwamari hafi no mu bihe bigoye akwizirikira ko yiyumvira ko uzobivamo bitewe nuko akuri hafi iyo ubonye ko ari umufana wa wimena bitewe n'ibyo agukorera byo kukuba hafi bishobora gutuma ufata icyemezo cyo kubana nawe. J'ai rapproché les coussins, j'ai mis quelques fleurs autour. J'ai fabriqué un écrin avec du mauvais velours. Il me restait du parfum, quelques bougies de secours. On va se cacher dans un coin, un linge sur l'abat-jour. T'es tout ce qu'il me reste, l'amour. Dehors, c'est insupportable. Emmène-moi ailleurs, loin des vidanges du diable. Ailleurs. Il y a plein de gamins, plein de ballons dans la cour. Ça crie du soir au matin, c'est presque à devenir sourd. Je vais la couvrir de dessins, cette cité sans retour. Le futur est tellement loin, le présent tellement lourd. T'es tout ce qu'il me reste, l'amour. Dehors, c'est insupportable. Emmène-moi ailleurs, loin des vidanges du diable. Ailleurs. Ailleurs. ferai du travail, du labeur. Oh, je redeviendrai fréquentable. Ailleurs, pour quelques jours, quelques heures, leur montrer que j'en suis capable. Rien à faire de mes mains et rien à faire des discours. J'ai pas la chance de certains de tirer le mauvais parcours. Mais j'ai rapproché les coussins, et j'ai mis quelques fleurs autour. Ibimenyetso byose twavuze bishobora gutuma ufata icyemezo cyo gutuma ubuzima bwa bwose ubumarana n'uwo mwigeme. Ari icyo ushobora kumenya nuko icyo cyemezo tari buri mugabo wese ashobora kugifata. Nuko mukunzi watuyaga urukundo, ibimenyetso bitandatu bishobora kwereka umukobwa uhitamo maze mukazobana karamata. Twavuze ikimenyetso cya mbere, umukobwa akubona ukamunezera. Icya kabiri, yicisha bugufi imbere y'abagenzi bawe. Umukobwa baho mu buzima bwiwe uramukumbura iyo mutari kumwe. Buri muntu yitangira ubundi hagati yawe n'uwo mukobwa abari umufana wawe uwa mbere. Nuko rero icyo nicyo gice cya mbere. Mu kanya tuje dutandukira ku gice cya kabiri, aho twishura ibibazo mwatwandikiye. Ibyo navyo mukaba muvyandika kuri 76 930 135. Nimushikirije ibibazo byanyu. Bite muhanuzi, mutubwire ibintu byerekana umukobwa agukunda. Iki kibazo twamaze gucishura inshuro nyinshi cyane tukivuga. Abakunzi batuyaga urukundo baramaze igihe batubaza icyo kibazo tukakibishura. Umuntu agukunda uramubona mbere. Twanabwiye n'ingene ushobora kubona umukobwa agukunda atari uguprofita nk'uko abandi babivuga. Ndi Emmanuel Jansoro, nkundanye n'umukobwa tumaranye imyaka 5 ariga nanje narahejeje. Ababyeyi wiwe n'abiwanje barabizi kandi tutarabira babwira ponumengo ni kibazo. Nanje nagomba nzo mutwara hejeje amashuri mu myaka 3 asigaje, umva hari bwagere ko ababyeyi bacu babimenya. Kumenywa urukundo rwanyu n'ababyeyi babo ni sikintu sikibazo, kuko ibintu byarahindutse byarikera. Urabona ubu unya abantu baravuga uburyo bwo gutuma tumanako bwarateye imbere. Ubwanje nta kibazo birimo, ahubwo bamwe bo bimenya kare ni byiza. Hanyuma nako wiyumvira yuko uri mu kugira ugufata icyemezo ugakora ijambo rya gishinga nawe. Nuko rero ubandaye mukabandanya, hanyuma Imana ibafashije mu kubaka, hanyuma mugatera imbere. Si bibi rero yuko ababyeyi babimenya, ahubwo ni byiza yuko ababyeyi babimenya. Hagi ivyo mugifuri ni vyo mugifuri inyene. Bite Balene, jumvise umukobwa dukundana ariko nasanze tunganya imyaka, none nta ngorane bizotera ko nifuza kumutwara muri 2024 ariko vise imyaka 24 me aracyari ku ishuri. Nibaza yuko atakibazo gihari naho mushobora kuba mungana. Mu bisanzwe iyo umukobwa kuko turavye ivyo kurongwa muri azikora amategeko, umukobwa arongwa kiri imyaka ni mike isumba niyo umuhungu abarongwe arongorera ko. Nukuvuga rero naho muba munganya imyaka, nibaza yuko atari ikibazo. Nta kibazo, ari umuntu mwikunda ni murakundana, hanyuma mukubaka kandi rukaguma. Bitendi Elvis Kanyusha, jewe nkunza abakobwa batatu nabuze uwo mpeba n'uwondeka nkoriki. Elvis ntawabuze ntawavuze kandi kuvuga ngo ukundwa n'abakobwa batatu ivyo sivyo, kuko ntibishoboka. Uriya umuntu akundana n'umuntu umwe. Wewe rero naba muri abo batatu wowe umutima wawe ukunda gusumbana, kuko ntiwavuga ngo bose ubakunda kugukunda cyo kimwe ico nikibaho hariho uwo ubonye umva na gatima gateye gusumba abandi raba rero niko twoguhanura muri abo batatu utoremo umwe ubona yuko ari wakunezeze mushobora kuba kubandanya iby'urukundo hanyuma mubandanye n'uyo mwiriwe Balene wiri wa mahoro mubaze iyo mukobwa gukunda vyukuri uvyerekwa niki bimenyeso nyamukuru nibihe muri akuta urikoze cyane iki kibazo gisa n'ici watubajije aho haruguru turamaze kubishikiriza mu biganiro bitandukanye ingene umenye umukobwa agukunda arakwitaho ngira ngo niki kiganiro cyakubwiye bimwe mbere ni muri binyene twababwiye muri kino kiganiro nibaza rero yuko nimba wakurikiranye kino kiganiro ntankeka wumvise bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka umukobwa mbere hanyeho twakaba twagiye na kure yuko ari umukobwa mushobora kubakana akaramata muko mugakundana mugatangura mu rukundo mbere mukarangira mukubakana mwaratanguye mu rukundo mbere mukubakana ivyo ni ibintu byoroshye kandi birashika no gukurikiza gusa zino ngingo twababwiye bino bimenyetso kugira ngo ubone umukobwa bibamize gute n'umukobwa akubona ukamunezera akumva araryohewe akubonye akubonye ni Elvis akumva araryohewe akubonye ari Claude canke Paul akumva kamwemwe kaza bona umukobwa araryohewe yakubonye ico ni kimenyetso ca mbere ikindi ni umukobwa yicisha bugufi imbere y'abagenzi bawe uri kumwe n'abagenzi akicisha bugufi mbere akabona yuko mbere yahinenge akanezerezo n'ingene ubanye n'abagenzi bawe ndetse agakunda kukwisanzura ko akabigira n'igihe muri kumwe n'abagenzi bawe hariho abaho umukobwa baho mu buzima bwiwe nawe ukamugwa si wa mukobwa yamari karaza arakubwira ati ngene ibi ingene ibi ingene ibi oya ye kuko arabona yuko nawe urafise ibyo ati reka nawe ukacayikura ku byiwe hanyuma umukobwa no kuvuga ibyo rero ni bimwe mu bimenyetso araba kandi n'umufana wawe ahariho aho ba uri hose abayifutsa kuhaba akaba aryoherwa kubona ari kumwe nawe ivyo rero nuko ngira ngo ivyo ni bimwe mu bimenyetso bikwereka yuko umukobwa agukunda nuko rero ivyo nivyo bibazo twari dufise ukaba wifuza kutwandikira cyangwa intererano yawe twandikire kuri 76 930 135 nuko cyangwa ukatwandikira no kuri WhatsApp kuri 75 930 135 mukanya na gahogo k'urukundo tubasigurira ururirimbo perfect turirimbirwa na Ed Sheeran agahogo k'urukundo kuri radio Isanganiro. Nararonse urukundo urukundo rwanje ruje mwo mukunzi unkurikire nararonse umwigeme mwiza cyane kandi atekereje sinigeze menya ko uri umuntu ndindiriye kubera ko twakundanye kuva tukiri bato tutazi ibyo ari byo ubu sinzokureka ngo ugende mugabo mukunzi soma buke buke umutima wawe nico mfise conyine gusa biraboneka ko ungumbiriye mu maso yawe mukunzi ndiko ntambana nawe mu mwiza uri hagati y'amaboko yanje atabirato nambaye mu vyasti numvirizo turirimbo dukunda mu gihe wavuga ko ataco musa nari doze buke buke mugabo warabyumvise mukunzi usa neza cyane mu ijoro nararonse umugore akomeye gusumba abo namenye bose aragabanganya indoto zanje nibaza ku munsi umwe nanje nzogabanganya iziwe nararonse urukundo ruzore rora gusumba amabanga yanje kurerura urukundo kurerura abantu bacu turacyari abana bato mugabo turacyari mu rukundo tunigana n'ibigeragezo byose ndazi ko bigiye kumera neza mukunzi fata ikiganza cyane mbega umukobwa wanje nzo kubera umugabo wawe kazoza kanje ndakabona mu maso yawe mukunzi ndiko ntambana nawe mu mwiza uri hagati y'amaboko yanje atabirato nambaye mu byatsi numvirize uturirimbo dukunda mugihe nakubona muri uwo mwambaro wa ruteye igomwe sivyo nkwiye mukunzi uri mwiza cyane muri iri joro no yo mukunzi ndiko ntambana na mumweza uri hagati y'amaboko yanje atabirato nambaye mu byatsi numviriza uturirimbo dukunda ndize kuvyombona ubu ndazi yuko nahuye n'umumarayika yihinduye umuntu akaba ari mwiza cyane ntabyo nari nkwiye usa neza muri iri joro ni kuri iyo nsigura nawe nsoze kino kiganiro cyacu tuyagura urukundo cyo kuri uno munsi nkwibutse ko mu gice cya mbere twarabiye hamwe ibimenyetso bitandatu bishobora kwereka umukobwa wahitamo maze mukazobana akaramata twishyura kubaza umwe twandike kuri 76 933 35 twaduhejeje kubasigurira ururirimbo perfect uririmbirwa na Ed Sheeran Balene Habyarimana naguteguriye kino kiganiro reka ndabakengurukire mwe mwese mwagikurikiranye ndabahirinda isango ku munsi nk'uyu nk'aho twatanguriye mugire ibihe byiza naho ubutaha cyari ikiganiro tuyaga urukundo mushikirizwa na Radio Isanganiro.